الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله. Je m'excuse pour hier d'avoir dû annuler le ders, étant donné que notre frère Wahbi est aussi, Hafidhahullah Ta'ala, était présent et a fait une muhadara dans un masjid. Donc c'était une occasion de pouvoir aller moi-même profiter en tant d'autrui et de pouvoir retrouver mon ami et voir les autres frères, alhamdoulilah. Mais étant donné que on n'a pas voulu ralentir le rythme, Inch'Allah, on rattrape ce soir le ders qui était prévu pour hier, et demain, Inch'Allah, il y aura le ders normalement, si tout se passe bien. Barakallahu fikoum. Taïb. Donc là, on a fini de parler des fadha'il, des quatre principaux ou des quatre meilleurs sahaba. À l'itlaq, bien que les sahaba, kulluhum udul, wa kulluhum fudala, wa kulluhum min ahl al-jannah. D'accord, c'est une chose qu'il faut quand même préciser. Certains sont meilleurs que d'autres, mais ils sont tous les meilleurs des hommes. Et que le sahabi de moindre rang par rapport aux autres est meilleur que tous les gens qui sont venus après lui. Et aimer les sahaba nous est obligatoire. Défendre leur honneur nous est obligatoire. Et suivre leur voie de façon générale nous est obligatoire, car les sahaba étaient sur la vérité. D'accord. Certains, de façon individuelle, ont peut-être été amenés à faire certains ijtihadat. C'est possible. Certains n'ont pas reçu de dalil comme d'autres. Mais quoi qu'il en soit, leur niya était forcément bonne et leur but était forcément de connaître la vérité. Et la voie qu'ils ont suivie, leur croyance, était la croyance authentique. Non entachée d'aucune bid'a et d'aucun égarement. طيب الآن ندخل في فضل البيت النبوة qui est le mérite des gens de la maison prophétique, c'est-à-dire les proches du Nabi صلى الله عليه وسلم. يقول في الحديث الثالث والخمسين بعد المئة 153e حديث qui est le 13e de ce فصل. يقول عن زيد بن الأرقم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكركم بالله أو أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل البيت أذكركم الله في أهل بيتي رواه مسلم. Donc là, dans ce hadith rapporté par Zayd ibn Arqam, le prophète صلى الله عليه وسلم il dit: je vous rappelle les gens de ma maison, je vous rappelle en Allah les gens de ma maison, je vous rappelle en Allah les gens de ma maison. Et ce hadith, on peut l'interpréter dans le sens: je vous rappelle le droit des gens de ma maison, les droits qu'ils ont en Allah. Je vous rappelle le droit des gens de ma maison en Allah. Je vous rappelle le droit des gens de ma maison en Allah. Il y a un takdir. En premier, le sahabi du hadith, c'est Zayd ibn Al-Qam, ibn Zayd al-Ansari, al-Kharzaji. Donc c'était un Ansari, il était parmi les gens de la Médina de base. Et il a participé avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à 7 batailles. Et sa première bataille, c'était celle du Khandaq, la bataille du Khandaq, des fossés. Et il est celui qui a informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam des paroles de Abdullah ibn Ubay ibn Salul, le munafiq. Lorsque dans le Coran, il dit à son sujet: l'ain raja'na ilil Medina, la yukhrijanna al-azu min al-azal. Que lorsqu'il a dit, lorsque nous allons retourner à Medina, les puissants d'El Medina en sortiront les plus faibles. Là, c'était la parole de Abdullah ibn Ubay, et qui, bien sûr, celui-ci a démenti. Et au début, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a cru, mais après, Allah azawajal a donné la vérité et a confirmé l'information de Zayd ibn Arqam. Taïb. Et après, il est parti vivre à Koufa, et il y est mort en l'an 58 de la Hijra. Là, dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam veut nous faire savoir que les gens de sa maison prophétique, ils ont un droit en Allah azawajal, et il faut qu'on leur rende. Il faut qu'on leur rende, de ne pas les léser, de ne pas les offenser, de ne pas leur porter atteinte, de ne pas parler en mal sur eux, et tout ce qui s'ensuit. Et El Baytihi, les gens de sa maison, ce sont ses proches, ceux pour qui la sadaqa, elle est interdite. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de consommer de la sadaqa. Ils n'acceptent pas les aumônes, Par contre, ils peuvent accepter des cadeaux. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses particularités, c'est qu'il n'acceptait pas les sadaqas. Il ne prenait pas la zakat, ni rien du tout. Par contre, il acceptait les cadeaux. Et les gens de sa maison, c'est le même jugement. Et fait partie des gens de sa maison, ses épouses, Ummahat al-Mu'minin, les mères des croyants. Donc elle rentre dedans également, et il nous est impératif, obligatoire, de les aimer. Car elles sont les meilleures des femmes. Elles sont les meilleures des femmes. Et les plus exemplaires qui soient pour les femmes par la suite. Tout comme les Sahaba étaient les meilleurs des hommes. D'accord ? Et les plus exemplaires qui soient pour les hommes par la suite. Alors maintenant, il faut savoir un point important. C'est qu'on aime les gens de la maison prophétique d'un amour shar'i, légiféré. Bila ifrat wa la tafrit. On n'exagère pas dans leur personne comme le font les Shia et les Rawafid. D'accord ? Tout comme on leur rend l'endroit sans réduire de leur rang comme le font les Nawasib. C'est une secte qui est eux qui négligent les droits des compagnons, entre autres de façon générale. Mais pourquoi on les aime ces gens-là ? On les aime déjà pour la proximité du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi pour leur droiture. Ça veut dire que ce hadith concerne les gens de sa maison prophétique qui sont sur le stikama. De son époque, il l'était. Mais par la suite, il y a une descendance qui est venue, car aujourd'hui, beaucoup de gens te disent « Moi, je suis Hashimi, je suis Min Ahl al-Bayt », et ainsi de suite. D'accord ? Beaucoup de gens s'affilient à être des descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, il y a des gens de droiture, et parmi eux, « Man dun zalik », des gens qui ne le sont pas. Donc le fait qu'il soit une personne qui ne soit pas droite et qui soit un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui donne aucun mérite en cela. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man bata'a bi amalu lam yusrir bihi nasabu. Celui dont ses œuvres sont mauvaises, sa généalogie, son affiliation ne le sauvera pas. Tu peux être, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, affilié à une personne de haut rang, si tu n'es pas sur ça, son suivi, cela ne servira à rien. Ibrahim, alayhi salat wa salam, son père était un kafir. Ça n'a pas sauvé son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, son père et sa mère, sont morts sur le shirk, ça ne les a pas sauvés. Nuh, alayhi salam, sa femme et ses enfants, entre autres un de ses fils qui est mort kafir, ça ne les a pas sauvés. Et ainsi de suite. Vous voyez ? Donc ce n'est pas ton affiliation ou ta proximité d'une personne qui va te donner le mérite qu'il peut avoir. Seul mérite que tu pourras avoir si jamais tu es sur une bonne croyance. Là oui, tu auras les deux mérites. Un, tu es un proche d'un tel. Et deux, tu es une personne de mérite. Donc les gens de la maison prophétique, s'ils sont des gens de la droiture, eh ben, ils auront un mérite en plus et un amour encore plus grand qu'on doit leur apporter du fait qu'ils soient des descendants de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ne pas simplement se dire c'est un Hashimi ou c'est un Relezalika pour que croire qu'il est meilleur qu'autrui Mubasharatan. Non, ce sont ses actes qui vont le rendre meilleur. Et cela, bien sûr, sera en plus, comment dirais-je, encore plus glorifié par le fait qu'il soit d'une descendance noble et la meilleure descendance qui soit. Taïb. Et aussi, il n'est pas obligatoire de marier une personne de la maison prophétique à une personne de la maison prophétique. D'accord ? Les gens, ils ont cette coutume-là de dire « on ne se marie qu'entre nous ». Ça, ce n'est pas une chose qui a été instruite par la religion. Tu peux avoir une personne qui est Hashimi et le marier avec une personne qui n'est pas Hashimi si elle est sur la droiture. D'accord ? Parce que t'en as, ils s'enferment là-dedans. Ça, c'était surtout une chose qu'on voyait au Yémen, que les Hashimiyoun ne se mariaient qu'entre eux. Quitte à marier un Hashimi avec une Hashimiya qui n'était pas droite ou une Hashimiya droite avec un Hashimi qui n'est pas droit. L'essentiel, c'est que ce soit un Hashimi. Et bien ça, ce n'est pas une chose qui a été conditionnée par la religion. Ce qui est conditionné par la religion, c'est un mariage de base basé sur la taqwa, donc des gens de droiture, quelle que soit leur généalogie. Maintenant, s'il y a deux personnes Hashimites sur la taqwa, ah oui, ça, c'est encore mieux pour eux, bien évidemment. Mais tout comme, il faut également qu'eux-mêmes se plaisent mutuellement, l'un comme l'autre. Car en réalité, les mariages, plus ils sont faits en relation avec nos origines, mieux cela et plus cela facilite le côté rationnel entre tout le monde. Mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas dans l'absolu, ce n'est pas systématique. Mais c'est mieux quand une personne peut avoir le choix de prendre une personne qui est proche de lui, de sa même origine, ou de même localisation, du même culture. C'est ce qu'il y a de mieux à faire quand cela est possible. Yaqul, fawaid al-hadith. الحث على محبة أهل البيت، على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والإحسان إليهم واحترام احترامهم وإكرامهم وتأدي حقوقهم الواجبة المندوبة. Donc ça veut dire que ce hadith nous incite et nous pousse à aimer les gens de la maison prophétique et d'être bienfaisants envers eux et de les respecter et de les honorer et de leur rendre leurs droits obligatoires ou même recommandés. D'accord. Et sans l'expliquer, bien sûr, il faut qu'ils soient des gens de la maison prophétique, mais également des gens de droiture, sur une bonne croyance. Thaniyan, tahrim adiyat al bayt بيت النبي صلى الله عليه وسلم والعدوان عليهم وظلمهم وتنقصهم. Et donc, bien sûr, l'opposé, qui n'est pas permis de leur porter atteinte, de les offenser, de les léser, et de réduire de leur rang, de les sous-estimer également. ثالثا أن رعاية قربة النبي صلى الله عليه وسلم رعاية قربة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامهم من توقير الاحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc observer le respect que l'on rend à sa descendance, aux gens de sa maison, cela revient à le respecter lui également. Car il nous a bien dit وذكركم الله في أهل بيتي. Je vous rappelle de rendre le droit aux gens de ma maison. Donc cela amène à obéir au Nabi sallallahu alayhi wa sallam et respecter son respecter, c'est comme une forme de testament en fait. Car cela a eu lieu de son vivant et cela également continue après sa mort jusqu'à la fin des temps. Rabi'an al-murad bi ahli bayt an-nabi sallallahu alayhi wa sallam as-salihun min qurabati ka al-Ali wa al وقيل وآل جعفر وآل عباس وزوجاته من أهل بيته. Et ce qui est voulu par les gens de la maison du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la maison prophétique, ce sont les gens pieux d'entre eux, parmi ses proches, comme les gens de Ali, comme les gens de Uqayl, comme les gens de Ja'far, ou les gens de Al-Abbas et ses épouses également. Tout cela font partie de la maison prophétique. Uqayl ou Aqil, Nasit. طيب. Après, on prend un autre hadith, biznillah ta'ala. Fadl Umm al-Mu'minin Khadija radiyallahu anha. Donc maintenant, c'est le mérite de la mère des croyants qui est Khadija radiyallahu anha. Donc c'est le 154e hadith qui est le 14e hadith de ce fasl. Yaqul an-Nabi Urayrata radiyallahu anhu ata Jibril an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya Rasulullah hadhi Khadijatu قد أتتها معها إناء فيه إيدام وطعام وشراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني فبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا نصب متفق عليه. Donc selon Abu Huraira, il a dit que Jibril Ali Salam s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, voici Khadija qui est venue avec elle un récipient ou comme un plateau ou un plat qui contient idem, c'est comme une forme de idem, c'est un peu comme une forme de sauce composée de légumes ou de différents... C'est un peu comme entre la sauce, la soupe, le ragoût, c'est... Voilà. Également de la nourriture, de la boisson. Lorsqu'elle va te parvenir, alors passe le salam de la part de son Seigneur, c'est-à-dire à Khadija, et de ma part à moi également, c'est-à-dire moi, Jibril. Et fais-lui la bonne annonce que au paradis l'attend une maison de perles et de joyaux et de bijoux, dans laquelle il n'y a ni dispute, ni cri, et ni fatigue, et ni tristesse. Muttafaqun alayhi. Donc, le hadith a été rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, et Abu Huraira, sa tarjama, a été maintes fois citée. Là, on parle de Khadija. Khadija Umm al-Mu'minin, qui est Bint Khuwaylid, Ibn Asad al-Asadiyya, la mère des croyants, et Sayyidat Nisa al-Alamin fi zamaniha, et qu'elle était la maîtresse, la meilleure des femmes dans le monde entier à son époque. Et sa kunya c'est al-Qasim. Al-Qasim. Car le premier fils du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est al-Qasim, mais il est mort en bas âge. Taïb. Donc, elle est la mère des enfants du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tous ses enfants sont d'elle. Il a eu un autre fils qui était Ibrahim, qui était son dernier enfant, mais qui est également mort en bas âge, de sa servante qui était Maria al-Qabtiya, qui était une Qabtiya, c'est-à-dire les femmes d'Égypte. Mais elle était sa servante, elle n'était pas sa femme. Et elle est la première personne sur terre dans l'absolu à avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant quiconque. À tel point que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril la première fois, qu'il en était effrayé et bouleversé, la première personne qui est venue, qui l'a réconforté, qui l'a soutenu, son épouse Khadija. Et ça, c'est l'un des rôles. C'est d'ailleurs, c'était là son fadl qui fasse qu'il y ait une divergence entre elle et Aïcha, qui était la meilleure des épouses de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On dit que Khadija était la meilleure par rapport au Nusra, au soutien, au secours qu'elle lui a apporté, et Aïcha était la meilleure dans le ilm et dans le fiqh, car elle était la femme la plus savante et dans la propagation de l'islam. Donc, car un homme aussi solide, petit paraître, les hommes, ils ont leur faiblesse. Ils ont leur peur, ils ont leur crainte, ils ont leur doute, ce qui s'ensuit. Et la personne la plus à même de pouvoir les soutenir et les réconforter sont leurs épouses. C'est là des rôles les plus importants. La personne qui peut le plus réconforter un homme, c'est son épouse. Par son soutien, par le fait de le consoler, par sa douceur, par son affection. Un homme, il a besoin de cela. Et la personne qui joue ce rôle auprès de lui, c'est son épouse. Et il ne faut pas négliger ce point important que la femme peut avoir, cette force qu'elle peut apporter à un homme par son soutien. À la base, on se marie pourquoi ? Pour avoir un soutien. L'homme a besoin de la femme. La femme a besoin de l'homme. Ils se complémentarisent tous les deux. Ils ne sont pas en rivalité. Ils ne sont pas en concurrence, mais ils sont un travail d'équipe. L'homme a besoin de la femme. Et l'un des plus grands rôles que la femme puisse apporter à l'homme, c'est qu'il lui apporte paisibilité, tranquillité, et ce qui s'ensuit. Et plus l'homme aura cela, et plus il sera lui-même, on va dire, il le fera un travail plus optimal dans sa vie de tous les jours. D'accord ? Plus il sera soutenu par sa femme, et plus il aura d'elle, on va dire, de l'affection, de la confiance, de la loyauté, elle sera à son service dans le halal, dans le ma'arouf, et ainsi de suite, et qu'elle fasse cela de bon cœur, avec l'artisseb, et non pas que ce soit un fardeau pour elle, ou parce qu'il va le sentir, le mari. Sa femme, elle le fait, mais ça la saoule. Ça, c'est pas en sa faveur. Mais il faut que la femme, elle montre qu'elle fait cela, et qu'elle apprécie faire cela. Mais pour Allah Azawajal, également si elle aime son mari par amour pour lui. D'accord ? Donc, et si elle, quand le mari voit cela, croyez-moi bien, ça lui donne une grande force. Ça lui donne un grand contentement. Ça lui donne une grande satisfaction. Car le résultat qu'il y a à avoir, ce n'est pas vraiment... c'est l'effort qui est fourni. C'est que le fait de se sentir soutenu et se sentir aimé par son épouse. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ressenti cela par Khadija. Elle était son épouse préférée de son vivant. Et il ne s'est marié avec aucune autre femme que par rapport à elle, qu'avec elle. Et même par la suite, après sa mort, il parlait tout le temps en bien d'elle. À telle époque, Aïcha en était jalouse. Et pourtant, Khadija n'était plus là. Elle était jalouse d'elle. Et ce qui montre que cet grand amour que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu pour elle, c'est cette loyauté, ce soutien dont elle lui a fait part. Il faut que les sœurs se rendent compte qu'elles ont... Allah Azzawajal leur a donné comme une forme de pouvoir. Je pense que beaucoup d'entre elles ne se rendent pas compte. Elles vont chercher leur pouvoir dans un domaine qui n'est pas le leur, dans le rapport de force et ce genre de choses. Non, ça c'est, faut laisser ça aux hommes. La femme, son pouvoir est dans sa douceur. Dans la voix qu'elle peut avoir, dans sa féminité. Elle est là sa force, en réalité. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de femmes se font avoir et pensent que la force, c'est d'avoir la force comme un homme. Non, ça... Ce n'est pas un domaine qui le leur et ce n'est pas un domaine qui va les mettre à leur avantage. Au contraire, sachez bien qu'une femme virile, les hommes détestent cela. Et ce qui est la force de la femme, justement, c'est ce côté féminin et non pas féministe. À ne pas confondre les deux. Sa féminité, c'est la force d'une femme. Une femme qui sait maîtriser sa féminité, c'est une femme qui sera appréciée même dans sa famille, auprès de ses amis à elle, et auprès des gens, de façon générale. Car elle est dans sa nature saine de femme. Tout comme un homme qui serait efféminé, il serait détesté. Et bien une femme qui est virile, elle est détestée. C'est pareil. Et d'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من النساء بالنساء من الرجال, que Allah a maudit les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes et les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes. Et ce n'est pas seulement dans le vestimentaire ou autre, même dans le parler, dans les mœurs, dans l'attitude, même dans la démarche, dans plein de choses. Quand tu essaies de prendre les attributs de l'autre sexe, déjà tu es maudit et ça ne te va pas. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas ta nature. D'accord ? Et là, comme on parle, bien sûr, par rapport à Khadija, qui était l'épouse du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les femmes qui prennent des caractéristiques des hommes, sachez une chose, cela ne vous renforce pas, vous affaiblit, et cela vous enlaidit. Sans compter la malédiction qu'Allah azawajal donne à ces femmes-là. Et c'est pareil pour l'homme qui est féminé, d'accord ? Qui prend des caractéristiques des femmes, ça c'est une chose qui est mauvaise. Chacun, Allah azawajal nous a créés comme nous sommes, l'homme est un homme, la femme est une femme, et les deux se complètent. L'homme aime la féminité et la femme est censée aimer la masculinité. Et quand chacun joue son rôle dans la mesure du possible, c'est là que les choses se passent le mieux, bismillah ta'ala. Donc là, l'exemple de Khadija qui lui a valu ce grand fadl que Allah Azza wa Jalla lui a passé le salam et que Jibril lui a passé le salam et cette promesse d'avoir ce palais au Jannah et qu'elle était la femme, la maîtresse des femmes à son époque, c'est qu'elle était la première à croire en cet homme qui est le meilleur des hommes, la meilleure des créatures. Et au moment où il a été dans une détresse, c'est elle qui l'a appuyé, c'est elle qui l'a réconforté, c'est elle qui l'a soutenu. Et ça, c'est un rôle qui est primordial. Et ce rôle-là, c'est la femme qui le fera le mieux. C'est l'épouse qui le fera le mieux. Biznillah ta'ala. Ensuite, et comme on y voit dans ce hadith, lorsque Jibril lui dit que Allah Azawajal lui a promis un palais de perles, dans lequel il n'y aura ni dispute, ni cri, ni fatigue, ni tristesse. Ça nous montre que, en fait, dans cette dunya, ce sont des choses qui sont inévitables que l'on doit avoir. On n'aura pas des maisons de perles. On peut des fois même avoir une maison insalubre, petite, désagréable. Mais pourtant, on y vit. D'accord ? Et dans un couple, il y aura forcément des disputes. Dans une petite famille, il y aura forcément des disputes. Il y aura des cris avec les enfants, avec... Voilà, il y aura la tristesse. La dunya, elle est comme ça. Ce n'est pas parce que tu disputes avec ton époux ou avec ton épouse que ça veut dire que vous deux, ça ne va pas. C'est... Même un couple qui ne se dispute jamais, ce n'est pas normal. On vous dit, vous deux, vous avez un problème tous les deux. Il y en a de vous deux qui n'est pas sincère ou... C'est obligé les disputes. Et justement, pourquoi ? Parce qu'après, on peut encore mieux se retrouver, on apprend à se connaître. On va de l'avant et on s'améliore. On tire une leçon de nos erreurs. Et ainsi de suite. Donc, les tristesses, les disputes, c'est obligatoire. D'accord ? Les querelles, c'est obligatoire, mais bien sûr, sans dépasser les limites. La femme ne doit pas être maltraitée, elle ne doit pas être rabaissée, insultée, dénigrée, ce qui s'ensuit. Là, on peut ne pas être d'accord, on peut même être amené à lever la voix, ainsi de suite, mais si les limites sont dépassées, au moins, au minimum, s'excuser. Du deux côtés, que ce soit l'homme comme la femme. S'excuser. J'ai dit telle parole, j'aurais pas dû le dire, j'avais pas le droit de le dire, je m'en excuse, ainsi de suite. J'ai eu tel comportement, je n'aurais pas dû, ainsi de suite. Toujours avoir ce côté modeste de pouvoir s'excuser parce qu'on a fait une erreur. Mais sachez une chose, les disputes sont inévitables. Ça fait partie, Allah, il a qadda qu'on doit se disputer. D'accord ? Mais la meilleure dispute, c'est celle qui est gérée dans le sens qu'à la fin, celui qui est fautif, en reconnaissant l'erreur, il s'excuse. Des fois, c'est les deux qui ont tort. Et des fois, c'est l'un des deux qui a tort. Et des fois, c'est un malentendu. Et des fois, oui, voilà. Mais le fautif reconnaît son erreur et s'excuse. Et alhamdoulilah, les choses vont s'améliorer par la suite. Et également, il y aura de la fatigue. Il y aura des maladies, il y aura de la tristesse, des moments de joie, des moments de tristesse. Si on était tout le temps heureux, on ne saurait pas qu'on est heureux. À quel moment on sait qu'on est heureux? C'est quand on a connu la tristesse. On ne peut connaître la valeur d'une chose que par son contraire. Tu ne connais la sécurité que lorsque tu as connu la peur. Tu ne connais le fait d'être rassasié lorsque tu as connu la faim. Tu ne connais on va dire l'opulence lorsque tu as connu l'indigence. Ça va ensemble. Donc on ne savoure les choses que lorsque l'on connaît le contraire. Donc évidemment, pour connaître la bonne entente, il faut avoir connu la mésentente. Ça va ensemble. D'accord ? Ça va ensemble. Sans quoi on ne savoure pas les choses. Elles n'ont plus de valeur. Elles n'ont plus de valeur. Fayaqul fi شرح الحديث أو كلمة الفوائد الحديث مشروعية خدمة المرأة زوجها. Donc on y voit que la femme est au service de son époux. Car là, Khadija vient avec à manger, elle sert son époux, et ainsi de suite. Et comme on le dit, c'est une chose qui, de base, est innée chez la femme, elle doit aimer faire cela. Aujourd'hui, malheureusement, on a une éducation infecte qui laisse croire que cela est rabaissant pour la femme, alors que pas du tout. Et je pense que toute femme qui est honnête envers elle, qui fouille au fond d'elle, elle aime servir. On voit nos mères, quand elles sont invitées, elles aiment servir. On a vu nos grands-mères, elles aimaient servir. Et la personne plus en droit d'être servie, bah, ça va être le mari pour la femme. C'est tout à fait normal. Et pour regarder même, qui est-ce qu'on prend en général comme secrétaire dans les bureaux? C'est des hommes ou des femmes? Des femmes. Pourquoi est-ce que cette femme, elle a ce côté hospitalier dans les services, dans les hôpitaux, tout le temps, mais des femmes à l'accueil. Pourquoi même au téléphone? Parce qu'elles ont ce côté hospitalier. C'est inné en la femme. Il n'y a rien de rabaissant. Alors que l'homme, il est plus insociable, il est un peu plus sauvage, un peu plus agressif. Oui. D'accord. Et donc, cette vertu qui est chez la femme, elle doit le mettre en premier lieu pour ceux qui le méritent le plus, c'est son époux. Aujourd'hui, les femmes, beaucoup d'entre elles vont délaisser leur époux et veulent servir envers leur patron pour avoir un salaire. Alors que si elles le faisaient avec leur époux, elles auraient du âge auprès d'Allah Azzawajal et des degrés élevés et peut-être même ce genre de promesses comme une maison paradis et ainsi de suite. Mais dans les gens accrochés par la dunya préfèrent voir un salaire et mécontenter l'époux et réjouir le patron parce qu'il le paye. Wali Azbillah. C'est un inversement des réalités. Ensuite, il dit Istirbab ba'th al-salam wa yajib ala al-rasul sallallahu alayhi wa sallam tabliruhu idh iltazama fa innahu amana. Et que il est recommandé de passer le salam. Et que une personne à qui on dit de passer le salam à une autre, d'accord, il doit le faire car c'est une amana. Thalithan ba'th al-ajnabi as-salam ala al-ajnabiyya as-saliha idh lam yakhaf taratub mafsada. Et que il est permis que un homme étranger fasse passer son salam à une femme étrangère si on ne craint pas de fitna derrière. C'est une chose qui est permise. Même qu'un homme salue une femme dans la rue étrangère, si on ne craint pas une fitna, c'est une chose qui est permise. On peut pas blâmer la personne. Maintenant, si on craint une fitna, que cela ne crée une chose qui peut amener un trouble ou autre, alors on l'évite. Sans quoi de base, c'est que c'est permis. Rabi'an istirbab tabshir bil-khayr. Et qu'il est recommandé de faire les bonnes nouvelles aux gens lorsqu'on en a une. Khamisan fadilat zahira wa manqaba azima li umm al-mu'minin Khadija radiyallahu anha bi salamillah ta'ala wa salam Jibril alayhi salatu wa salam alayha wa tabshiriha bil jannah. On y voit le grand mérite de Khadija radiyallahu anha du fait que Allah Azzawajal lui passe le salam, que Jibril lui passe le salam et qu'il lui a été promis le paradis. Sadisan isbat wujud al-janna wa azim na'imha. Cela montre que le janna existe et ça montre l'immensité et la grandiosité de ses délices. Sabi'an an al-jannata la ta'ba fiha wa la ikhtilaf bayna ahliha. Et que dans le paradis, il n'y a aucune fatigue et aucune divergence entre ces gens. Regardez bien, allez lire dans la biographie des salafs, des sahabiyat qui ont été promis au paradis. Qui ont été promises au paradis. Regardez pour quelles raisons elles l'ont été et quel était leur comportement. Cela, c'est pour pouvoir rediriger nos sœurs vers la direction qui est correcte. D'accord ? Ne vous faites pas tromper par cette dunya et ces fausses idéologies qu'on vous donne, cette fausse image qu'on vous donne. Les gens veulent vous faire croire que vous avez une liberté, c'est pour mieux abuser de vous. Sachez-le. C'est pour profiter de vous. Il avait dit Charles Fozen que les gens aujourd'hui ils appellent à la liberté de la femme pour mieux pouvoir l'obtenir. Et pour mieux se servir d'elle, exploiter. C'est une réalité. Les gens, nous les croyants, nous agissons pour plaire à Allah Azzawajal et pour aller dans son paradis. Et le paradis était promis à des femmes. Regardez bien quelles étaient leurs caractéristiques, à toutes. Ce ne sont pas les mêmes que la plupart des femmes d'aujourd'hui. D'accord ? Elles étaient des femmes d'honneur, des femmes de valeur, des femmes sur la nature saine, des femmes de grande éducation, qui jouaient leur rôle dans cette société, tant avec leur famille, et surtout avec leur époux, avec leurs enfants. Leur but, c'était pas la dunya d'être émancipée, d'être indépendante, d'être autonome, d'avoir leur salaire, d'avoir leur commerce. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Avoir un salaire ou quoi, c'était pas une chose qui leur est interdite. Mais ce n'était pas leur priorité. Elles avaient compris que leur intérêt, leur victoire, ce n'était pas là-dedans. Alors qu'aujourd'hui, c'est ce qui est devenu pour la femme aujourd'hui, c'est en fait de se libérer des hommes, malheureusement pour elles. Après, il y a des hommes, oui, il faut s'en libérer, franchement. Il n'y a pas à dire, des hommes, ils sont mauvais. Mais on ne demande pas de te libérer des hommes. On te demande de libérer des mauvais hommes et de t'allier aux bons hommes. Il faut les chercher. demande à l'archangel de te diriger. Une fois que tu as trouvé un bonhomme, d'accord, tu t'y attaches et tu joues ton rôle en espérant que lui-même jouera le sien également. Ça va dans les deux sens. طيب اكتفي بيد القدر فسبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.